scientifique actuel dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, Inter, de Paul Sarrez, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Virginie Mourtet. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Virginie Mourtet. Aujourd'hui, 1968, quatrième émission. Oui, cela est irréversible, les événements de 68 vont bientôt arriver. Pour l'heure, en une sorte de ralenti radiophonique, voire d'arrêt sur image, enfin sur son sans image, nous nous arrêtons en avril, le 1er avril précisément. Pour comprendre, pour bien entendre une époque, il n'est pas inutile de croiser les points de vue, il est instructif de s'éloigner un peu d'une population pour mieux l'étudier, pour étudier la jeunesse d'un pays en qualifiant celle d'un pays voisin et ami. Dans « Les idées et l'histoire », émission d'André Bourin, il est question de révolution, d'évolution, de différences culturelles, sociales. Propos d'un Anglais qui se définit comme plus français que les Français. C'est sur un dialogue France-Angleterre que va s'ouvrir notre émission d'aujourd'hui. Deux journalistes vont être en présence, John Hardagg, qui fut longtemps envoyé spécial du Times à Paris, et Paul-Michel Villa, qui représenta durant plusieurs années l'agence France-Presse à Londres. John Hardagg vient de publier chez Robert Laffont un copieux ouvrage intitulé « La France vue par un Anglais ». Et de son côté, Paul-Michel Villa a fait paraître à la librairie Hachette un livre plein d'humour, « L'Angleterre, un monde à l'envers ». Ces deux journalistes ont beaucoup de choses à se dire. Vous dites, vous, John Hardagg, que la France subit la plus grande révolution qu'elle n'a jamais connue, qu'elle est d'ailleurs le pays du monde qui évolue le plus actuellement, mais que les Français n'en ont pas toujours pleinement conscience. Je crois que les Français, finalement, ont pris conscience de ça. Tout récemment, les Français pensent, les Français disent souvent qu'ils vivent dans une révolution. Certains d'entre eux le pensent. Mais cette prise de conscience est assez récente, pensez-vous? Je crois qu'il y avait des pionniers, il y a des gens qui, il y a 20 ans, comme Jean Monnet, ont pris conscience de cette évolution nécessaire et ils ont tâché de le mener, de le canaliser avec un certain succès. Je crois que la révolution française, si on peut employer ce mot-là, est plutôt économique que culturelle. Qu'en pensez-vous, Jean? Oui, et j'ai l'impression que c'est ce que vous dites surtout, c'est que la France vit une révolution, mais par rapport à l'Europe, qu'elle est poussée, au fond, à une certaine révolution. Parce que les structures changent en Europe, que la France devient moins nationaliste qu'elle ne l'était avant. Oui. Et que dans ce processus, évidemment, nous avons tout à gagner au point de vue économique, mais qu'au point de vue littéraire, c'est du moins ce que je crois avoir compris des derniers chapitres en particulier, nous risquons de perdre ce qui a fait jusqu'à présent notre caractère unique dans le monde, qui était que la culture française était vraiment la culture, et qui maintenant a l'air un peu de disparaître dans ce creuset économique dans lequel nous sommes plongés, alors qu'en Angleterre, grâce à votre insularité, vous vivez une révolution beaucoup plus en vase clos. Oui. On n'a pas du tout l'impression d'une crise en Angleterre. On a plutôt l'impression d'une crise morale que d'une crise économique. Oui. Et sur le plan culturel, est-ce que cette évolution en Angleterre est parallèle à l'évolution économique? Il y a eu cette révolution extraordinaire culturelle en Angleterre, mais c'est le résultat d'une révolution sociale. Et je crois que sur le plan social, la révolution a été beaucoup plus nette et beaucoup plus profonde en Angleterre jusqu'à maintenant qu'en France. Je pense que vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. L'Angleterre, autrefois, c'était le pays des classes, aussi sclérosée que l'Inde. Maintenant, les barrières de classe sont éclatées en Angleterre. Et les classes se mêlent beaucoup. Les Anglais sont obsédés par la classe. Là, je crois que, je suis désolé de vous interrompre, mais je crois que vous êtes très optimiste. Parce que ce qui m'a frappé le plus en Angleterre, c'est justement une apparence de révolution. Mais en réalité, il y a des structures encore extrêmement rigides. Et lorsque, par exemple, vous parlez de l'éducation en France, qui est tout à fait organisée par l'État, eh bien, en Angleterre, encore maintenant, il y a une très grande différence entre les élèves qui sortent de la bonne école ou de la bonne université, sont ceux qui font les cadres de la nation, et ceux qui sortent des écoles techniques. Oui, bien sûr, il y a en Angleterre, il y a les écoles, ce que nous appelons les public schools, qui sont évidemment des écoles qui ne sont pas du tout publiques, qui sont tellement privées. Tout à fait, et de l'autre côté, l'éducation de l'État, l'éducation publique. Mais évidemment, il y a cette division, mais c'est surtout dans l'éducation, parmi les dirigeants. Et je ne parle pas seulement des dirigeants politiques ou industriels. Mm-hmm. Il y a des gens d'un peu partout. Par exemple, Harold Wilson n'est pas du tout de public school. Ils sont d'Oxford, mais Daron, il était dans grammar school. Il était dans bien sûr. Mais enfin, ce que je crois, c'est que ce qui compte, c'est une tendance générale d'éducation. Ça n'est pas tellement de telle ou telle école, mais un élève brillant comme Wilson, qui sortait d'une grammar school et qui est d'une famille pauvre. À Oxford, oui il n'aurait pas pensé aller dans un institut technique, par exemple. Et la transformation de la jeunesse française, actuellement, nous la mettons sur le compte de l'Angleterre. Non, je crois que là aussi, la révolution de la jeunesse a été beaucoup plus nette et beaucoup plus farouche, disons, beaucoup plus féroce en Angleterre qu'en France. Ouais. La jeunesse française suit le même chemin, mais plus lentement et peut-être avec davantage de sagesse. Cette révolution de jeunesse en France est due à des raisons françaises. Les rapports familiaux, etc., en France, sont français. Vous trouvez, et vous ne trouvez pas beaucoup plus sage? J'ai l'impression que la jeunesse française, à côté de la jeunesse anglaise, est beaucoup plus timorée, beaucoup plus sérieuse. Oui, ça, c'est pas de la sagesse, je sais pas. Ça, c'est pas de la sagesse. Par exemple, quand vous comparez dans votre livre, très justement, les Beatles à ce qui correspond à peu près en France, c'est-à-dire les copains, les copains, tout ça. Et effectivement, nous sommes beaucoup plus bourgeois. Notre jeunesse à nous est quelque chose qui dépend encore beaucoup des parents. Alors, quoi l'attribuez-vous cela en France? Parce que je crois que la révolution sociale est beaucoup plus lente, est allée beaucoup moins loin en France qu'en Angleterre. Je crois que plus que 50%, je ne sais pas qu'est-ce que c'est le chiffre, mais c'est un chiffre très élevé, des jeunes de 18 à 24 ans avant le mariage habitent chez leurs parents. C'est dû en partie à la crise de logement en France qui les évite de trouver des appartements ou des chambres qui sont beaucoup plus faciles à trouver de bon marché en Angleterre. Mais selon ces statistiques et selon aussi les enquêtes que j'ai menées personnellement, il paraît que beaucoup de jeunes, même si vous les donnez l'opportunité, la possibilité de trouver un petit appartement ou une petite chambre à eux, ils préfèrent rester chez leurs parents. Les liens affectifs entre jeunes et parents sont beaucoup plus forts en France. Et pas seulement entre les teenagers, pas seulement entre les gens de 20 ans, 18 ans, 20 ans, et les parents de, disons, 40 ans, mais aussi entre les adultes, entre les gens de 35, 40 ans, et leurs parents qui ont peut-être 60 ans. Quels ont été vos rapports avec les écrivains français que vous avez vus? Oh, j'ai rencontré plusieurs. Je trouve que Rob Grier, c'est un farceur magnifique. Est-ce une opinion personnelle ou est-ce une opinion que l'Angleterre porte sur lui? En Angleterre, 99,9% des gens n'ont jamais entendu parler de Rob Grier. C'est la réponse. Ceux qui ont entendu parler de Rob Grier sont peut-être de mon avis. Oui, ils ont vu le film de Marianne Bad et à ce moment-là, ils ont eu une très vague idée. En se demandant ce que les Français leur servaient encore là. Est-ce que l'on peut vous considérer comme un Anglais très représentatif de votre pays? Non, du tout. Du tout. Du tout. Je suis plus français que les Français, j'espère. En tous les cas, on a souvent le témoignage quand on lit ce livre, qui est en effet un livre plein de sympathie d'ailleurs pour la France. Non, mais je critique la France, je critique les Français, mais je crois du point de vue d'un Français plus... Oui, mais d'ailleurs, vous dites si bien que vous citez même un proverbe français, ce qui prouve que vous connaissez très bien notre langue, en disant qu'il aime bien châtie bien. Oui, exactement. J'aurais voulu ça comme le bande dessinée. Mais en tous les cas, il ressort de cette lecture que s'il y a des châtiments, il y a aussi beaucoup d'amour dans ce livre. Eh bien, j'en rappelle le titre. La France vue par un Anglais, aux éditions Robert Laffont. Oh, Avril 1968, bientôt mai. Nous voici en mai du reste, le 4 mai. Que voit-on poindre en mai, chaque année, le festival de Cannes, bien sûr. On ne peut pas imaginer en ce 4 mai que le festival sera interrompu. La projection du film de Carlos Saura, Peppermint frappé, se fera dans un chahut par définition 68 heures. La Croisette ne pouvant ignorer ce qui se passait au Quartier Latin à Paris. Pour l'heure, Roger Réjean évoque les films français en compétition et donne la parole à un critique qui vient de signer son premier film. Cinéma Vérité. Une émission de Roger Réjean avec la collaboration de Jacqueline Adler. Vendredi prochain sera donc inauguré le 21e Festival international du film, que l'on appelle avec moins de solennité le Festival de Cannes. Cette manifestation, qui a su devenir la première du monde, atteint donc sa majorité dans un moment où tout ne va pas pour le mieux dans l'art cinématographique, où l'on se cogne un peu la tête contre les murs à la recherche d'un style, d'une langue nouvelle pour s'exprimer. On a le langage, mais on a perdu la langue classique. Une compétition comme celle de Cannes va, une fois de plus, nous permettre de confronter les cinémas du monde entier, ou à peu près, et sans doute de constater cette année encore l'incertitude qui règne chez les créateurs de films. Quant à la participation française, elle représente un éventail assez ouvert de notre production, et les trois films sélectionnés montrent le style de trois auteurs très différenciés, de trois familles cinématographiques, si l'on veut. Alain René, d'abord, dont l'œuvre, si elle n'est pas encore très abondante, a marqué profondément le cinéma français et les jeunes metteurs en scène. Je t'aime, je t'aime apportera donc au Festival de Cannes le film d'un jeune maître qui, loin de s'embourgeoiser, se livre encore à des recherches passionnantes sur l'espace-temps et sur le temps-mémoire. Avec Les Gauloises Bleues, de Michel Cournot, autre aspect de notre production. C'est un premier film où l'auteur a pu faire ce qu'il a voulu et dans lequel il s'est mis tout entier, le type même de l'œuvre originale où éclate une forte personnalité. Enfin, notre troisième chance, 24 heures de la vie d'une femme, de Dominique Delouche. C'est aussi un premier film, mais de style résolument classique celui-là. Solidement adossé à Stefan Zweig, Dominique Delouche dédaigne toutes les modes qui se succèdent sur les écrans à une allure vertigineuse, ce qui est bien la meilleure preuve de leur futilité. Cinéma Vérité fera entendre les trois réalisateurs de ces films qui vont défendre l'art cinématographique français à Cannes. Michel Cournot, est-ce que c'est la critique de cinéma qui vous a donné l'envie de faire un film, ou bien était-ce un désir de longue date, et alors est-ce que la critique de cinéma a été pour vous une étape ? Un désir de longue date, sûrement, parce que depuis que je suis petit, le cinéma, c'est ce qui m'émeut le plus. Et quand je voyais des films de Buster Keaton, des choses comme ça, je me disais, c'est ce qu'il y a de plus beau. Alors, il faudrait peut-être aller par là. En même temps, je m'étais mis dans la tête, parce que je suis assez pessimiste, que c'était tout à fait hors de moi. Parce qu'il me semblait qu'un film, c'est une chose qui coûte très cher, et que je n'étais pas du tout le garçon à pouvoir obtenir l'argent. Donc, je me disais, pas question pour moi. Et c'est tout à fait par hasard que déjà, assez âgé, j'ai eu la chance de pouvoir en faire un. Mais vous avez fait de la critique de cinéma, néanmoins. Oui. Ça, c'était plus accessible pour vous. Ah oui, ça, on peut toujours être journaliste. Enfin, c'est ce que j'ai fait la plus grande partie de ma vie et que j'aime beaucoup. Et c'est peut-être ce qui vous a d'ailleurs introduit dans ce monde qui vous paraissait étranger. Exactement. Quand on fait son premier film, ou pour un romancier quand il écrit son premier roman, on a souvent tendance à incliner vers l'autobiographie. Est-ce que pour votre film Les Gauloises Bleues, c'est également le cas ? Ça va vous sembler bizarre, mais je ne peux pas répondre à cette question. Peut-être parce que je ne suis pas particulièrement actif. Peut-être parce que je ne suis pas un héros dans l'existence. Peut-être pour d'autres raisons qui sont du domaine de la psychologie, je ne sais pas. Je n'ai pas d'autobiographie, moi. Je veux dire que l'autobiographie, c'est forcément, si vous posez la question à quelqu'un, le passé. Une oui. certaine façon de se rappeler ce qu'il a fait. Or, il y a une chose qui n'est pas du tout chez moi un signe d'altruisme ou de générosité, pas du tout, c'est autre chose. Je ne me rappelle que ce que les autres ont fait près de moi, devant moi. En effet, c'est un film autobiographique dans la mesure où j'y ai mis énormément de choses dont j'ai souffert, par exemple, qui se passaient devant moi. Mais ce n'est pas ce que moi j'ai fait. Voyez-vous. C'est une espèce d'autobiographie au second degré, en somme. Si vous voulez. Et un peu à votre insu. Peut-être, parce qu'à partir du moment où on est tellement sensible à certaines choses, on est un peu dépassé tout de même par des réactions qu'on a pu avoir ou qu'on a même en filmant. Que racontent exactement les Gauloises Bleues ? C'est très embêtant, parce que si je ne le raconte pas, c'est pas bon. Mais vraiment, c'est tellement du cinéma. C'est pas racontable. Que c'est pas racontable. Tati m'a frappé l'autre jour parce qu'il a dit, et c'est absolument vrai, on ne sait plus écouter, on ne sait plus voir. Or, je le remarque tout le temps. Et je le remarque au cinéma. Alors moi, j'ai voulu qu'on regarde et qu'on écoute. C'est un manque de réceptivité, en somme, chez le spectateur. Mais non, ce n'est pas de sa faute, c'est de la faute du metteur en scène. Si on veut être écouté et être regardé, il faut que seconde par seconde, ça soit bon à être écouté et bon à être regardé. Or, si vous voyez simplement un monsieur qui descend d'une bagnole, qui pousse une porte, qui monte un escalier, comme on voit tout le temps, pour raconter qu'il va d'un endroit dans un autre, je vous assure, le public ne regarde plus. Tandis que si vous montrez, image par image, son par son, quelque chose qui existe vraiment par rapport à lui, je crois qu'à ce moment-là, il regarde et qu'il écoute. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire, mais à ce moment-là, je ne peux pas vous dire ce que ça raconte. Oui, bien sûr, c'est dans l'image. Oui. Attention, ce n'est pas du tout un film abstrait ou délirant. C'est une chose qui exprime des préoccupations ou des émotions universellement partagées, je crois. Et dans un style descriptif, poétique, romantique. C'est pas du roman, c'est pas du théâtre. C'est-à-dire que j'ai pas fait comme font 99%, je m'excuse d'être sévère, des cinéastes, et comme ne fait pas Buster Keaton, dont je viens de voir un film. Et vous savez, pour moi, c'est embêtant, cette interview cet après-midi, parce que je sors du caméraman de Buster Keaton, qui est 1000 fois plus beau que mon film. Alors c'est assez déprimant, ce truc. C'est vrai, ce que je vous dis. Mais, si vous voulez, je trouve que 99% des cinéastes, contrairement à Buster Keaton et quelques autres, photocopie 24 fois par seconde du roman ou du théâtre. Alors, à partir du moment où vous ne faites pas ça, à partir du moment où vous faites vraiment une image autonome, complètement vivante, eh bien, à partir de ce moment-là, c'est évidemment, je crois, de la poésie. Je suis sûr que l'autre amant au Baudelaire, en 1968, aurait fait comme Godard, ils auraient fait du cinéma. Moi, je ne suis pas du tout romancier. On a l'impression que ce titre « Les Gauloises Bleues », qui est au fond, disons-le, un titre qui ne veut rien dire. Vous l'avez choisi un peu parce que vous n'avez rien trouvé d'autre. Alors vous avez dit, oui. Mon Dieu, n'importe quoi. Est-ce que c'est exact ? Non, pas du tout. C'est un titre très sérieusement choisi. Alors vous m'obligez, là, peut-être que vous le faites exprès, vous m'obligez à raconter un petit peu le film. C'est un film qui tout de même décrit assez longuement les liens de paternité. Les liens difficiles à accepter et très difficiles à couper qu'il y a entre un père et un fils. Je ne fais pas du tout de psychologie, moi, ou de choses familiales, ça ne m'intéresse pas. Donc, père-fils, forcément, on est entraîné par l'image. Dieu-créature, par exemple, ce qui me fait frôler la religion, et ce qui est assez inquiétant, parce que je n'ai peut-être pas du tout la dimension de faire ça. Patrie-citoyen, et si vous voulez, toutes les situations, qui sont d'ailleurs celles de tous les hommes vivants, où il y a une sorte de lien qu'on ne peut pas couper avec quelque chose par rapport à sa naissance. Bon, alors c'est ça, le sujet absolument central du film, et qu'on a tout le temps. Ce qui fait qu'on a, par exemple, des séquences politiques sur les élections, suffrage universel, parce que c'est le lien patrie-citoyen. Patrie, c'est la même racine que père, n'est-ce pas ? où Dieu, on a des séquences assez religieuses. Par exemple, la communion est représentée d'une certaine façon dans une boulangerie pour signifier d'une façon concrète le rapport de Dieu et de sa créature. Alors, je cherchais le titre. Tout titre avec père, paternité me semblait un peu lourd, étant donné que je n'ai peut-être pas, moi encore, l'envergure de titrer sur quelque chose d'aussi grand. De sorte que j'ai cherché un attribut de ces liens impossibles à couper. À ce moment-là, je me suis plutôt dirigé vers pays citoyen, et je me suis aperçu que, et je le sais depuis longtemps, que je peux toujours sortir de France et tout accepter, sauf de fumer autre chose que des gauloises bleues. Donc, je me suis dit, je peux peut-être prendre, après tout, les Gauloises bleues, comme titre, très concret, c'est un objet connu, simple, qu'on voit dans toutes les mains, qui n'est pas choquant, et qui pourrait être l'attribut, justement, de la paternité prise dans le sens citoyen par rapport à son pays, car je sais que, quelles que soient les émigrations ou voyages que je peux faire, il y a un lien là que je ne pourrais pas du tout couper. Alors, je me suis dit, quand même, faut voir. Alors, premièrement, j'ai toujours fumé ça, je n'avais pu fumer autre chose, donc je l'avais devant moi quand je cherchais le titre. Et puis, alors, deuxièmement, c'est un film poétique, et j'avais toujours eu cette phrase en tête, parce que pour moi, elle est une description du cinéma, mais je ne l'ai pas du tout mise dans le film, et je n'en l'écrirai pas, parce que je trouve que c'est beaucoup trop prétentieux. C'est une phrase qu'il y a dans les Champs magnétiques de Breton et Soupeau. « J'avale ma propre fumée qui ressemble tant à la chimère d'autrui. » Or, je savais que quand je ferais un film, ça serait ça. C'est-à-dire, je serais tout le temps ce que vous appelez l'autobiographie, à l'avaler, à en faire une espèce de chose que je ne peux pas quitter, que j'avale tout le temps, qui m'étouffe. Mais dans la mesure où, pour moi, je suis à peu près persuadé qu'elle correspond à des préoccupations universelles. Et ce qui m'a décidé complètement, c'est que je suis allé à la Régie française des tabacs. Je leur ai dit, est-ce que vous me permettez de prendre les Gauloises bleues comme titre? Ils m'ont dit, écoutez, vous n'avez même pas à nous le demander, puisque les Gauloises bleues, ce n'est pas une marque. La marque, c'est Gauloise ou Gauloise Caporal, mais il y a des disques bleus, mais il n'y a pas de Gauloises bleues. C'est un mot qu'on emploie couramment dans le public. Et ils m'ont dit, vous savez, ça ne nous arrange pas du tout. Ça ne nous arrange pas du tout et vous seriez très gentil de ne pas le faire parce qu'en France, les Gauloises bleues ne nous intéressent pas. C'est la plus vendue et la moins chère. D'ailleurs, nous vous mettons au défi absolu de trouver à l'intérieur de l'hexagone français aucun signe de publicité pour les Gauloises. Nous l'interdisons totalement. Et à ce moment-là, je me suis trouvé devant un des aspects que je décris dans le film et qui est peut-être un des plus importants de la paternité, c'est la filiation reniée. Et d'ailleurs, le personnage principal de mon film est un enfant de 6 ans qui n'a pas de père, qui en a un autre père. La Régie française m'a dit « Croyez pas que vous aurez un sou de nous si vous appelez votre film les Gauloises bleues, alors que si vous les appelez les Gitanes, on pourrait peut-être voir. » Alors, je les ai appelés les Gauloises bleues. Donc, c'est drôle parce qu'on croit que c'est une plaisanterie et pas du tout. Dans vos critiques, vous avez toujours défendu une certaine esthétique, enfin cinématographique, et assez précise et assez tranchée. Dans votre film, je pense que vous êtes fidèle à ces oui, idées. Oui, c'est la même, sauf qu'évidemment, je n'arrive pas à faire de Les Einstein, mais dans ce domaine, c'est ce que je décrivais tout à l'heure, c'est du cinéma de poésie, c'est pas du cinéma de récit. Est-ce que vous avez l'intention de faire d'autres films maintenant ou de reprendre votre métier de critique? C'est simplement une question, encore une fois, d'argent. Si je trouvais assez vite un producteur qui accepte de me faire un film, j'en ferais un tout de suite. Vous avez un sujet? Non, justement, vous me dites tout de suite la phrase que dit un producteur et que d'ailleurs ils m'ont tous dit avant que je fasse celui-là. Or, je n'ai pas de sujet. Je ne veux pas en avoir un. Je trouve que c'est comme ça qu'on rate les films. Parce que si vous avez un sujet, c'est extrêmement grave. Vous allez vous rapprocher insensiblement des 24 photocopies par seconde du récit ou du théâtre. Moi, je ne veux pas avoir de sujet. Je veux faire mon deuxième film comme j'ai fait le premier, en imaginant complètement image par image, mentalement, les sons et la vue. Tout ça, attention, c'est très construit. Mais si j'ai un sujet, il n'y a plus de film du tout. Enfin, pour moi, attention. Mais quand vous arrivez sur le plateau, vous savez ce que vous voulez faire quand même. Vous ne faites pas de l'improvisation. Vous savez, c'est une fausse idée. Un faux problème. Pour moi, qui suis assez inquiet de nature, il est impossible, évidemment, de se lancer dans un film sans avoir une idée très, très élaborée de quelque chose qu'on veut faire. Bien. Il est évident que, étant donné les dépenses que ça exige, plus les espoirs de location, d'endroit, etc., on est obligé de faire un plan de travail. C'est vrai. Eh bien, j'ai remarqué que l'équipe travaille beaucoup mieux quand ce qu'on avait prévu de faire, on ne le fait pas. Donc moi, tous les matins, je me disais, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour que l'équipe travaille bien? Parce que si l'équipe travaille bien, si elle est heureuse, je crois que ce qu'on aura tourné, ça sera bon. Eh bien, je suis sûr que ça a toujours été comme ça. Parce qu'on ne peut pas demander à 35 personnes de recopier un truc qu'ils ont en main. J'ai été frappé de voir que toutes les questions de direction d'acteur, par exemple, encore un lieu commun qu'on voit de plus en plus. On dit, ah, ça, c'est un bon directeur d'acteur. Je trouve que c'est complètement fou de dire ça. Parce que quand on dirige un acteur, c'est qu'on a raté son film, d'avance. Si on a trouvé l'acteur qu'il faut, si c'est un bon acteur, un grand acteur, si on lui a écrit des phrases qu'il peut spontanément dire, si son personnage tient debout, si le scénario est beau, etc., il n'y a absolument pas à le diriger. Le décor, c'est fantastique au cinéma. Fantastique, parce que c'est un moyen de diriger tout le monde. On les a à sa main avec un beau décor. Ça me passionnait, moi, le décor. Michel Cournot au micro de Roger Régent sur France Culture le 4 mai 1968. Les Gauloises Bleues étaient en compétition à Cannes, mais on sait ce qu'il adviendra du festival cette année-là. Et du côté de la littérature, y aurait-il du nouveau dans l'écriture? Réponse de Bernard Pivot dans son billet donné à l'émission de Roger Vrigny, La littérature. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Honeywell Doucet. Honeywell Doucet n'est pas un confrère en espionnage de James Bond 007 ou de OSS 117. D'ailleurs, ce n'est pas un homme, c'est une machine. Exactement, un ordinateur. Un ordinateur littéraire qui vient d'être installé chez l'éditeur anglais des fameux Penguin Books. Cette machine a pour fonction de calculer les chances de succès en librairie des manuscrits que se propose de publier l'éditeur. On lui fournit tous les renseignements concernant le manuscrit, l'auteur, sa bio-bibliographie, son œuvre, titre, dimension, sujet et toutes informations relatives au marché de l'édition. Et en 20 secondes, Honeywell Doucet décide de l'opportunité de publier ce manuscrit. Son verdict est, paraît-il, sans appel. On nomme cela « détection scientifique, prospective littéraire ». Grâce à Honeywell Doucet, la direction de Penguin Books n'a plus à se faire un sang d'encre, si j'ose dire, pour retenir ou refuser un manuscrit. C'est le nouveau collaborateur qui décide, par quelques borborygmes, au milieu d'éclairs lucifériens. Avouez que les gens de Penguin Books, eux, ne manquent pas de souffle. Évidemment, il sera intéressant, dans quelques mois, de regarder d'un peu près les résultats commerciaux de Honeywell Doucet. Je doute qu'il soit infaillible, mais il n'est pas dit que d'un point de vue exclusivement commercial, il ne soit pas meilleur juge que le directeur le plus intelligent. En attendant ces résultats, on peut faire d'ores et déjà ces quelques modestes réflexions. D'abord, grâce à Dieu, la machine ne se mêle pas de juger de la qualité littéraire du manuscrit. Cela reste l'attribution essentielle du comité de lecture. Mais simplement, l'opinion de ce comité est transmise à l'ordinateur et c'est pour lui un renseignement parmi d'autres, hélas non déterminant. Autrement dit, il est à craindre qu'un manuscrit, considéré comme un chef-d'œuvre par la direction littéraire, soit impitoyablement écarté par Honeywell Doucet, si d'autre part ce manuscrit est de lecture difficile, si son auteur est un inconnu ou un vieux ours, ou si ses précédents livres ont tous été des fours. Car il y a tout lieu de penser que l'ordinateur n'aura aucune tendresse pour les livres géniaux en avant sur leur époque, qui ne deviendront des succès en librairie que dans 5, 10, 20 ou 50 ans. À supposer que le manuscrit des Fleurs du Mal ait été présenté à Honeywell Doucet, on a de bonnes raisons de penser qu'il aurait émis un affreux bruit d'électronique et que de colère et d'indignation, il en aurait peut-être été détraqué. En bon serviteur, l'ordinateur ne considère que la rentabilité immédiate. À supposer encore qu'il ait des soucis, ce cher Honeywell Doucet, je puis affirmer que la littérature est le cadet des siens. En conséquence, il doit être totalement allergique à la poésie, et il est probable que pour ne pas froisser sa susceptibilité, on évitera de lui fourrer dans la gueule des manuscrits de jeunes illuminés où les mots ne seraient pas mis d'une façon rationnelle. D'avance, il y aura pour lui de nombreuses causes perdues qui étaient pourtant excellentes littérairement. Imaginons que Honeywell Doucet soit français. Je vous fiche mon billet dans l'ordinateur qu'il fera la mauvaise tête devant des manuscrits de Michaud, de Ponge par exemple. Il serait capable, bougre, s'il officiait chez Gallimard, de refuser sèchement les manuscrits de Poland. En revanche, donnez-lui à manger du Troya, de la Sagan, du Malraux, du Serge et Anne Gollon, et vous allez l'entendre roucouler de bonheur, le monstre. Il est à craindre, finalement, que ses réponses ne soient trop attendues, car les ordinateurs ne sont que les employés serviles des hommes, et trop souvent, ils ne font jamais que dire à leur maître ce que ceux-ci voulaient entendre. Il y aura peu de surprises. Ce que nous ne saurons jamais, hélas, c'est la réaction qu'aurait eue Honeywell 1200 devant les œuvres de Jules Verne, de Wells ou Le meilleur des mondes de Huxley. Enfin, a-t-il de l'humour? Pour le savoir, il faudrait lui soumettre le manuscrit d'un pamphlet contre les ordinateurs. Mais ses patrons ne voudront jamais. Ils auront trop peur de le vexer et de le voir bouder. Écrire un roman, c'est tout un art. Interviewer un écrivain, c'est tout un art également. Interviewer quelqu'un qui n'a pas écrit de roman, qui n'a pas de film ou d'exposition à défendre, et surtout, qui n'a sans doute aucune envie de parler, c'est un art qui peut atteindre des sommets. L'émission qui suit dure un bon quart d'heure, mais hélas, le temps nous manquant, seules 8 minutes et 40 secondes vous seront présentées. C'est déjà pas mal. Brigitte Bardot, dans la série Détruisez votre légende, j'ai pris beaucoup de risques, je sais pas, une sorte de folie. Je voulais vous demander, Brigitte Bardot, êtes-vous fidèle? Je ne suis pas fidèle, je suis infidèle. Comment faites-vous pour être infidèle? Je ne suis pas fidèle. C'est de nature, c'est loin. Comment expliquer qu'on est infidèle? C'est épouvantable. Il faudra d'abord expliquer ce que c'est que la fidélité et l'infidélité. C'est mieux d'être infidèle que fidèle sans en avoir envie. Je sais pas, la fidélité, c'est de suivre quelqu'un tout le temps, quel que soit je sais pas, son univers, quel que soit ses ennuis, ses hauts, ses bas. Enfin, c'est la fidélité avec tout ce que cela comporte, à la fois de bêtises et d'intelligence, disons. Bon, disons que vous associez amour et fidélité. Il faut que je vous sorte les mots de la bouche, si je comprends bien. Je les associe aussi. C'est-à-dire que quand je suis amoureuse, je suis fidèle. Et quand je ne suis plus amoureuse, je ne suis plus fidèle. On est en train de détraquer tout un univers, enfin de lois, de normes. Mais ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est ma moralité à moi. Et cette moralité, elle risque pas de déclencher un grand nombre d'amoralités? J'espère bien que si. Bon, alors, Yves, êtes-vous fidèle? C'est difficile d'être fidèle. Si je comprends bien, vous êtes comme moi. Je suis comme vous, mais je m'appelle Alimi, ça porte moins conséquence. C'est ça qui est embêtant. Hein, pourquoi est-ce qu'Alimi, ça porte moins conséquence que Bardot? Si Alimi fait des frasques, personne n'en parle. Pourquoi? Parce que Brigitte Bardot, ça détermine un certain nombre de lignes de conduite, enfin. Enfin, quoi? Injustice, grande injustice. Oui, grande injustice, c'est vrai, mais c'est... Mais bon... Continuez, vous étiez en train de dire quelque chose de très intéressant. Non, c'est vrai. Bon, Alimi, par exemple, qui est mariée, a comme ça une folie. Bon, mais si Alimi, on n'en parlera pas, fort heureusement. Mais Brigitte Bardot, on en parlera, parce que c'est Brigitte Bardot et ça incline, ça détermine des lignes de conduite, une politique... Un scandale. Une sorte même de morale sur la fidélité ou non. Comment? Une sorte de morale. À partir de Bardot, on peut être infidèle. À partir de Bardot, on peut être infidèle. C'est-à-dire que c'est Bardot qui peut être infidèle. Oui, mais elle, infidèle, elle entraîne un grand nombre d'infidélités. On dirait qu'on parle des chemises de l'archiduchesse qui sont sèches et archi-sèches. Non mais on, je sais pas, comme le Larousse, par exemple, si Larousse disait donner des définitions différentes sur la fidélité et l'infidélité. Si Larousse disait, par exemple, infidèle, celui qui est sincère en amour, par exemple, ce serait une définition épouvantable. En tout cas, celui qui est honnête en amour. Ce qui me concerne, c'est ça. Oui, mais alors, l'honnêteté, justement, est-ce que ça ne peut pas risquer de créer une sorte de... d'épouvantable bombe atomique, enfin, je ne sais pas, une sorte de... On ne parlons pas de bombe atomique, quand il s'agit de fidélité. Oui, mais enfin, on détériore des relations humaines, normales, ou dites normales, la famille est distante, ainsi qu'elle est. La fidélité, c'est une sorte de chose ridicule, mais enfin, il faut en tenir compte. Eh bien, je n'en tiens pas compte. Et alors, ce qu'il y a d'important chez vous, c'est que vous risquez de contaminer, enfin, de créer un mouvement. J'espère bien. J'espère bien que je vais contaminer. Alors, vous voyez tout un pays, vous suivant. Non, mais ce que je dis, c'est n'est pas forcément très vilain. Je peux être très fidèle. Et puis, je peux aussi ne plus l'être. Parce que je suis honnête envers moi-même et envers les autres. Justement, alors, envers vous-même, je le comprends fort bien. Envers les autres, est-ce que quelqu'un que vous avez pu aimer peut ne plus être aimé? Ben, forcément. Quelle question idiote. Bon, puisque c'est mon baptême. Je sais alors, où ça commence, où ça finit, c'est terrible. Non, on ne sait plus. On sait où ça commence, mais on ne sait jamais où ça finit. Il n'y a aucune sécurité. Oh non, ni pantoufles, ni sécurité. Et alors que faire, par exemple, quand on devient amoureux de Brigitte Bardot, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas, il doit y avoir un problème grave. Oui, mais le problème, c'est de savoir me garder. C'est difficile. Vous dites vous-même, c'est difficile, alors c'est impossible. Je n'ai pas dit que c'était impossible, j'ai dit c'est difficile. Par exemple, si moi, je sais pas, je devenais alors amoureux de vous, moi je suis très jaloux, je deviendrais fou. Enfin, vous pensez pas alors à ma folie si je deviens fou de vous, et si vous m'abandonnez au bout de 8 jours parce que je deviens... Donc vous seriez infidèle puisque vous êtes marié. Oui, mais... Non, mais parlons pas de ça. Bon, alors continuez, très intéressant. Non, mais alors disons que je suis pas marié, et puis je vous aime. Alors si et si et si, bon. Non mais je suis pas marié, ou alors je suis marié, je vous aime, c'est la même chose, je vous aime. Vous m'aimez vraiment? Je vous aime vraiment, je suis amoureux de vous, et puis au bout de 8 jours, comme on le dit vulgairement, je ne fais plus l'affaire, ce qu'il advient de moi. Hein? 8 jours, c'est beaucoup, dites-moi, il me semble. Oui, vous êtes très cynique, vraiment, alors que faire? Interrogez-moi sur le cynisme, alors. Brigitte Bardot, êtes-vous cynique? Voulez-vous demander à Serge Gainsbourg s'il est fidèle? Je vous répondrai à ce moment-là. Non, mais il ne m'a pas dit s'il était fidèle, il m'a dit s'il était cynique. C'est pas la même chose. Bah, vous m'avez posé une question sur la fidélité, je vous répondrai sur l'infidélité. Non, mais alors, quelle est pour vous vraiment la véritable notion de fidélité et d'infidélité, par exemple? Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un, lui être fidèle, et plus brutalement ne plus lui être fidèle? Bien sûr. Évidemment. Nous en sommes tous là. Alors, la notion de fidélité, elle équivaut à quoi? La durée de l'amour. C'est ça. Même si cette durée est courte. Surtout si cette durée est courte. Bon, alors, vous voulez que je divorce? Il faudrait que je divorce aussi, que de drame. Oui, comme vous êtes. C'est en train, comme ça, de tout déclencher, un phénomène irréversible. Vous vous rendez compte des conséquences de ce que vous dites? Non. Les gaz lacrymogènes allaient souvent faire pleurer les manifestants au printemps. Petit flashback. Le 1er janvier de cette même année, 1968, qu'est-ce qui faisait rire les garçons et les filles, ceux-là même qui se promenaient dans les rues deux par deux. Réponse détaillée, sociologique et illustrée sur Intervariété. Gisèle Paris et Jacques Nozary, avec Jacques Alalin et Frédéric Christian, vous demandent... Qu'est-ce qui fait rire, qui fait rire, qui fait rire les garçons et les filles d'aujourd'hui ? Eh oui, Jacques Nozary. Qu'est-ce qui fait rire les garçons et les filles d'aujourd'hui ? Eh bien, Gisèle, je vais vous répondre très simplement. Nous sommes là pour le savoir. Ce soir, c'est la raison même de cette émission du premier jour de l'année. Et pour ça, des garçons et des filles de la région parisienne sont venus tout spécialement ce soir dans notre studio. Et puis, nous avons aussi interrogé des jeunes à la sortie de leur classe, à la sortie de leur cours. Enfin, pour discuter avec ces jeunes, nous avons réuni des personnalités. Tenez, des auteurs qui connaissent actuellement un très grand succès à Paris. Vous voulez parler, j'imagine, de Françoise Dorin. Exactement. Et de Nicole de Buron. Oui. Et puis, il y a un écrivain humoriste qui a eu le prix Scarron en 67 pour son livre « Quand les Chinois », un livre qui a eu un grand succès. Vous l'avez reconnu, c'est Robert Beauvais. L'auteur du Matrimoine, Hervé Bazin. Et puis, des femmes d'esprit aussi, comme Cora Vauquer, Marthe Mercadier, Suzanne Gabriello. Et des chansonniers, tenez, Maurice Orgue, qui a donné son nom à une revue. C'est rare, hein, Amour, délice et orgue. Et puis l'abominable Pierre Doris, bien sûr. Et puis, une multitude d'autres vedettes, d'autres personnalités que vous allez découvrir tout au long de cette soirée. Qu'est-ce qui fait rire, qui fait rire, qui fait rire les garçons et les filles d'aujourd'hui ? Nous allons commencer par le rire un peu spécial, il faut bien le dire, et je pense qu'il amuse aussi les jeunes, le rire de Pierre Perret. Alors, messieurs les membres du jury, pourriez-vous nous donner votre avis sur le rire de Pierre Perret ? Tenez, Robert Beauvais. Sur le rire, pas sur l'ensemble. Pierre Perret amuse les jeunes, d'après vous. Ah oui, énormément, énormément. Et je crois qu'ils amusent parce que... ayons des théories. Je crois que les jeunes, en gros, rient en général toutes les formes de l'irrespect les font rire. C'est-à-dire qu'il y a certaines idées reçues, on leur enseigne des conformismes, on leur enseigne de respecter des choses. Et puis, il arrive des gens qui ne respectent pas ces choses sacrées. Par exemple, bon, il y a la phrase célèbre de Prévert, « Notre père qui êtes aux cieux, restez-y », ou bien « Les morts de Verdun ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd », etc. Si on leur ressasse tellement de choses sacrées, et oui, non, mais que tout ce qui blasphème les fait rire. Pierre Doris fait rire les jeunes parce qu'ils blasphèment. De même, Pierre Perret les fait rire, en dehors d'ailleurs de sa qualité de compositeur, car il fait des mélodies charmantes, en dehors de sa bonne bouille, car il a une bonne tête, il dit des énormités, des choses monstrueuses, Pierre Perret, mais tout ça passe avec sa bonne bouille, son petit nez retroussé, et c'est absolument charmant. Il fait des chansons méchantes qu'il présente comme un brave type. Et ça, je crois que ce sont deux éléments qui sont très importants. Pas c'est pas méchant, écoute. C'est pas méchant. Attention, je dis pas méchant au c'est mauvais sens. Virulent. Oui, non, mais virulent, disons, blasphématoire, disons. Même pas, oh, non, je trouve mal élevé. Mes enfants, qu'est-ce qu'on nanas, on ça, fait le brouillon en ce moment, alors. Non, disons des chansons provocantes et blasphématoires, quand même de temps en temps, puis des chansons très irrespectueuses. Alors je crois que c'est une forme de... Et au contraire, je crois ce qui fait rire les adultes, pas au contraire d'ailleurs, parce que les adultes aiment beaucoup l'irrespect, vu le succès de Pierre Doris dans l'établissement, on paye très cher la bouteille de champagne aussi. Mais ce qui fait rire les adultes, c'est une position différente, peut-être moins sympathique, là je suis un peu démagogue, parce que c'est ce qui est le résultat... Je pontifie pas trop en ce moment, non ? Oh non, non, non, non, ça va, non. Fais comme chez toi. Ce qui est le scepticisme, qui résulte d'une certaine expérience de la vie. C'est-à-dire que c'est ce qui est l'anti-romantisme. Je donne un exemple, par exemple, il y a un humoriste anglais, un parlementaire d'ailleurs, qui parlait de l'amour et qui avait dit, je trouve cette phrase très drôle et affreuse, « Non, je n'aime pas parce que la position est ridicule, le plaisir très bref et la dépense absurde. » Je vais vous poser une question. Si tout à l'heure, vous avez dit « Les jeunes ne rient plus comme autrefois », est-ce que ça veut dire qu'ils ne savent plus s'amuser ? C'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes choses qui les font rire. Je pense qu'ils s'amusent. Différemment. Bon, mais nous le dirons tout à l'heure. Raymond DeVos, est-ce que la qualité de votre rire touche les jeunes ? Je dois dire que ça a toujours été un de mes grands désirs, toucher les jeunes. Et lorsque j'ai écrit mes premiers textes, j'ai l'impression, je n'ai pas exactement le répondant, je n'ai pas eu le répondant de la part du public, mais je veux dire que la clientèle qui se dérangeait pour venir me voir à l'époque, c'était en général des gens de mon âge. Voilà ce que je veux dire. Or, il se passe un phénomène assez curieux, c'est que les jeunes commencent à... Quand je dis commence, je le vois par exemple avec la pièce que je joue en ce moment. Il est rare que je ne le vois pas arriver deux ou trois jeunes après la représentation qui viennent me dire, me parler de la pièce, me parler du thème, c'est de ce que j'ai voulu faire, de ce que j'ai voulu dire. Et je crois que c'est parce que, particulièrement dans cette pièce, j'ai traité de sujets modernes. Mmh. Ne parlons pas de la névrose comique du point de départ de la pièce, qui est les quintuplés, en fait, qui est quand tout de même une névrose, mais que j'ai voulu traiter sur un plan comique. Mmh. Je parle de la relativité, je parle de choses scientifiques, je parle d'une espèce de trouble moderne. Mmh. Et je crois que c'est ça qui est sensible aux jeunes. C'est le trouble. Or, on peut très bien traiter du comique, mais le comique étant une mécanique, on pourrait penser que c'est une chose sèche. Je crois au contraire que, dans la mesure où on essaie de faire du comique sur des phénomènes modernes, on a une espèce de trouble assez extraordinaire. Dès qu'on cherche à faire du comique sur des choses sérieuses, évidemment, on appelle cette espèce de remarque « Tiens, ils se moquent d'eux oui. ». Moi, il y a des jeunes qui m'ont dit ça. Ce que j'aime pas chez vous, c'est que vous vous moquez. Non, or, je ne pense pas me moquer. En tout cas, moi, je ne me moque pas de personne. Ça c'est une chose qui m'est absolument intolérable. Ceci étant dit, il est évident que lorsqu'on essaie de faire rire de certaines choses, il faut les affaiblir et les mettre en condition d'amuser sans blague. Vous savez que le problème de faire rire les jeunes, moi, c'est un problème qui me touche profondément pour mille raisons. Premièrement, parce que la jeunesse est prodigieuse. Oui, mais ils ne rient plus comme avant. Ce qui m'étonne, par exemple, c'est que il y a un éclatement extraordinaire de la part des jeunes sur un plan de la chanson, dont, par exemple, le représentant, si vous voulez, c'est Johnny Hallyday. Vous avez tout d'un coup un autre représentant qui est Adamo sur le plan poétique de la chanson plus douce, etc. Et puis alors, il y en a d'autres. Mireille Mathieu, elle correspond, j'ai l'impression qu'elle a pris une place qui était vacante, mais donc dont les gens attendaient quelque chose. Ils attendaient leur Mireille Mathieu, les gens. Eh bien, on ne trouve pas la correspondance sur un plan comique. Oui, mais alors, quand on leur dit, vous vous amusez à quoi? Par exemple, Dutronc les fait rire encore, et c'est un comique un peu grinçant. Et oui. Pierre Perret. Oui. Les plus jeunes, peut-être. Alors, attendez, seulement c'est toujours par le truchement de la chanson. Ce qui est très bien. Je trouve que c'est très très bien. Moi, lorsque j'ai entendu pour la première fois Antoine, j'ai dit enfin, quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux, enfin qui tourne un petit peu, oui. Hein, qui s'amuse des problèmes. Gisèle Paris va nous proposer maintenant le rire délicat. Je vais vous parler d'une forme de rire un peu particulière. C'est le rire noir, le rire abominable. Et voyez-vous, il y a quelques années, j'avais dit un petit poème. Vous voyez où je veux en venir. Un petit poème qui n'avait aucun succès et qui donnait une espèce de malaise. Nous sommes loin de tout ça. C'était ce petit poème. Fier de son beau blouson, que l'on croyait de toile, le tout petit Willy s'est approché du poil. Mais c'était du pilou et Willy a flambé. C'est l'heure un peu plus fraîche où la nuit va tomber. Un petit courant d'air passe par la fenêtre ouverte. On voit un frisson secouer tante Berthe. Et pourtant, personne n'ose prendre sur lui de tisonner un peu le tout petit Willy. Eh bien, vous souriez, mais ça faisait un... s'acheter un froid. Alors, qu'en dit Pierre Doris aujourd'hui? À vous, Pierre. Voilà, vous me voyez très, très ému. Enfin, en vérité, est-ce que vous me voyez vraiment? Non, parce que tout le problème est là. Je vois, il y a des moments où je me demande si j'existe, si je ne suis pas qu'un rêve, un ectoplasme, n'est-ce pas? Non, parce que tout à l'heure, je me regardais dans une glace et je me disais vraiment, t'es trop beau pour être vrai. N'est-ce pas? Alors, peut-être je ne suis qu'un mirage, qu'un miracle. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Francis? Parce que tout est miracle à l'heure actuelle. Votre élégance, mesdames, est miraculeuse. Vous êtes toutes à la mini-jupe, n'est-ce pas? Ma femme aussi s'est mise à la mini-jupe, avec ses jambes maigres. Un miracle qu'elle tienne debout. N'est-ce pas? Eh bien, cet été, ma femme se promenait en mini-jupe sur une plage avec ses jambes maigres, et il y a un gosse qui a crié, ah, le 11 gagne un kilo de sucre. N'est-ce pas? Mais, puisque nous parlons de votre élégance, mesdames, vous portez des pantis maintenant, n'est-ce pas? Quelquefois, ils sont d'honneur ou de déshonneur, selon les cas, n'est-ce pas? Eh bien, il y a une marque de pantis qui s'appelle Têtu. L'autre jour, j'ai élevé une fille qui avait un pantis Têtu, et bien, j'étais encore plus têtu que lui. Mais un grand miracle de notre époque pour nous les hommes, ce sont les bagnoles. On a tous la folie des voitures. On nous a parlé des voitures japonaises, alors n'en achetez pas. J'ai été m'enseigner, toutes les voitures japonaises sont bridées. N'est-ce pas? Mais un miracle, c'est ma mémoire, une mémoire étonnante. Eh bien, l'autre jour, Je croise un ami dans la rue, je dis « Comment va votre femme ?» Il me dit « Mon cher, vous savez qu'elle est morte depuis 15 ans. » Ah, je dis « Oui, c'est vrai. » Alors, toujours dans le même cimetière, n'est-ce pas ? Mais alors, le plus grand miracle de notre époque, ce sont les idoles. Ah, alors là, vous savez en quoi consiste une idole ? C'est un type qui a écrit un jour une chanson avec des paroles complètement idiotes et que tous les Français ont repris et chanté en chœur. Voilà. Dans le fond, une idole, dans le fond, c'est dans le genre Rouget de Lille. N'est-ce pas ? Mais moi, que m'importe d'être une idole, que m'importe de rester un obscur, que m'importe d'être inconnu dans le monde entier, d'être inconnu en province, d'être inconnu à Saint-Germain-des-Prés, d'être inconnu à Montmartre, d'être inconnu à Montparnasse. Le principal pour moi, c'est de ne pas être inconnu à l'Arc de Triomphe. Naturellement, mes propos peuvent vous paraître un peu bizarres. Il faut vous dire que la nuit dernière, j'ai subi un choc qui m'a terriblement marqué. J'étais encore à Montélimar, je dormais à l'hôtel, et dans la chambre à côté de la mienne, toute la nuit, j'ai entendu une scène de rupture. J'entendais une voix d'homme qui disait « Mais mon chéri, tu sais très bien que cet amour ne nous mènera à rien, puisque je suis ton grand-père. » N'est-ce pas ? Alors, j'ai repris mon train complètement bouleversé, n'est-ce pas ? Et arrivé à la gare de Lyon, j'ai vu un accident épouvantable. J'ai vu un type qui courait pour prendre son train, il a glissé, il est passé sous le train, les deux jambes coupées. Je me suis dit, tiens, encore une coupure de courant. Mais à la SNCF, ils ont été très très bien, ils l'ont mis dans le train, ils lui ont donné un demi-tarif. Mais ça n'est pas à moi qu'on fait des choses pareilles, on ne me fait même pas des prix de gros. Et pourtant, alors je suis forcé de travailler, quoi. Bon. C'est là que j'ai été en Angleterre et que j'ai rencontré une lady d'une laideur. Que j'ai épousée, du reste, que j'ai épousée. Elle se croyait jeune, elle croyait ses meubles anciens. Quand en vérité, c'était le contraire, n'est-ce pas ? Je l'avais épousée parce qu'on m'avait dit qu'elle avait 40 millions de dettes. J'avais mal entendu, c'était 40 millions de dettes. Alors, a suivi une période épouvantable. Je ne m'en sortais plus, je ne bouffais plus. J'en étais réduit à trier les cailloux pour trouver une lentille. Écoutez bien, mes amis, j'avais un appartement tellement minable à l'époque, mais tellement minable, il n'y avait pas de porte aux toilettes. Il n'y avait pas de porte aux toilettes. Alors, pour les gens gênés, j'avais mis un masque. C'est bien qu'on avait toujours l'impression que c'était le même qui était assis. Alors, un appartement minable. Un jour, j'ai même convoqué le propriétaire, j'ai dit, écoutez, votre appartement, il est logdu. Il dit, comment c'est très coquet, c'est ce garni. Mais j'y venais voir, je l'emmène dans le living room, je jette un morceau de pain, il y a quatre rats qui arrivent. On me dit, c'est pas grave, c'est charmant, cette petite bête, ça tient compagnie. Et puis, vous pourrez organiser des chasses à courses. Je dis, écoutez, arrêtez vos âneries, hein. Je dis, venez voir dans la chambre des enfants, je jette un morceau de pain, il y a 10 rats qui viennent là. Mais il me dit, c'est très gentil. Je dis, venez dans la salle de bain. Je jette un morceau de pain et de dessous la baignoire, il y a un poisson rouge qui vient. Ah, il me dit, ça, c'est pas un rat. C'est un poisson rouge. Je dis, l'humidité, on en parlera après. Voilà. Bonjour, mes bretelles. Eh bien, Pierre Doris, vous savez ce qui vous attend, je crois. Mais oui, j'attends. Il n'y a que ma femme qui peut me poser des questions, parce que je parle tellement d'elle. Elle est tellement distraite, ma femme ne me posera pas de questions. J'ai l'impression que quelqu'un veut poser au moins une question à Pierre Doris. Je voudrais savoir pourquoi vous êtes spécialisé dans le rire d'horreur. Eh bien, je vais vous expliquer, c'est bien simple. J'ai 30 ans de métier, ça ne me rajeunit pas. J'ai débuté à 18 ans, et pendant 18 ans, je me suis ramassé la gamelle. Et puis un jour, au bout de 18 ans, je me suis dit, tu vas passer complètement au travers si tu ne fais pas quelque chose. Parce qu'on disait que j'étais amusant, que j'avais du boniment, mais je n'avais pas une patte, vous voyez, une note à moi. Et je me suis dit, dans le fond, il faut faire quelque chose qui bouleverse une certaine partie du public et que les autres rient, n'est-ce pas, très fort. Et alors, j'ai eu ça. À l'Olympia, j'ai été sifflé par la moitié de la salle, et puis l'autre moitié applaudissait, ils se sont même battus entre eux. Et dans le fond de moi-même, je me suis dit, là, j'ai gagné, parce que demain, ils vont dire c'est un pourri, les autres vont dire c'est très marrant, et puis je crois que c'est ça, la vérité. Merci. D'autres questions ? Je vais vous faire rire, parce que je vais perdre mon temps. D'une jeune fille timide, par ici, Pierre Doris. Ah oui, elle est un peu intimidée par vous. Vous voulez bien qu'elle vous pose une question ? Non, allez. Pourquoi croyez-vous que vous faites rire les gens ? Ah, mais je n'ai pas cette prétention. Non, mais vous voyez bien les gens. Je vais vous dire quelque chose. Même quand ils sont outrés, alors c'est moi que ça fait rire. Vous voyez ? Alors Non, mais vous voyez bien les gens rire à vos histoires, et pourquoi croyez-vous qu'ils rient ? Ah, bah, parce que je pense que je les amuse, je pense que je suis là pour non, ça. Non, mais votre genre d'humour, vous pensez. Je crois qu'elle veut vous demander une définition de votre humour, enfin, votre définition de votre humour. Je veux dire, c'est très difficile à définir. Vous comprenez, on fait une bonne partie. Vous jouez au tennis. Vous devez jouer au tennis. Vous êtes jeune. Si vous avez un mauvais joueur, vous pouvez très bien jouer au tennis. Si vous avez un joueur tocard devant vous, vous ferez un mauvais match. N'est-ce pas? Eh bien, c'est nous, c'est notre truc. On lance une balle. Si elle est mal rattrapée, on fait un mauvais tour. Vous comprenez? Et tout le long, c'est comme ça. Oui, monsieur? Est-ce que vous dosez votre horreur ou bien est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de limite à l'horreur que vous pouvez mettre dans vos plaisanteries? Ben, je vais vous dire pourquoi je pense qu'il n'y a pas de limite, puisque les horreurs du monde vont grandissantes. Je ne vois pas pourquoi mon tour n'irait pas plus loin. Hein? C'était les années 60, aujourd'hui 1968, quatrième émission. Archivina, Annie Lozana. Réalisation Virginie Mourté, une émission de Philippe Garbi. À suivre, et c'est promis, les événements de mai 68 commenceront lors de notre prochain rendez-vous. D'ici là, vous pouvez télécharger toutes les émissions de cette série sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.